The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Well. Bien. To swear. Jurer. Even. Même. Bakery. La boulangerie. Since. Depuis. Yes. Si. Second. Deuxième. More. Plus. Now, a bit faster. Even. Même. Bakery. La boulangerie. More. Plus. Well. Bien. Since. Depuis. Second. Deuxième. To swear. Jurer. Second. Deuxième. Yes. Si. To swear. Jurer. More. Plus. Even. Même. Second. Deuxième. Bakery. La boulangerie. Yes. Si. Even. Même. To swear. Jurer. Since. Depuis. Now, use the words in context. Bien. Does she really want to lend you her iPod? Elle veut bien te prêter son iPod? Jurer. He swore to me that he didn't smoke. Il m'a juré qu'il ne fumait pas. Même. He even bought an Aston Martin for his daughter. Il a même acheté une Aston Martin à sa fille. Depuis. I've been reading for 2 hours. Je lis depuis 2 heures. Plus. The day my son was born was the greatest day of my life. Le plus beau jour de ma vie est celui de la naissance de mon fils. Bien. Does she really want to lend you her iPod? Elle veut bien te prêter son iPod? Depuis. I've been reading for 2 hours. Je lis depuis 2 heures.